Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le commandement de la Grande Unité Combinée 966 de l'Armée Populaire de Corée. Il a été accompagné du sous-maréchal de l'Armée populaire de Corée, Fang Byung-sung, chef de la direction politique générale de l'Armée populaire de Corée, du colonel général Lee Yong-il, premier chef adjoint et chef de la direction générale d'opération de l'état-major général de l'Armée populaire de Corée. Il a été accueilli par les commandants de la grande unité. Il a répondu aux acclamations des officiers et soldats et s'est fait photographier en souvenir avec eux. Le dirigeant suprême a fait le tour des monuments aux instructions données sur place par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, du monument à l'autographe du général, du musée des hauts faits révolutionnaires et de la salle d'historique. En regardant les objets et les données témoins du dévouement et des efforts du président et du général pour les préparatifs de combat et le renforcement de la combativité de la grande unité, il s'est rappelé son trajet jalonné de la victoire et de la gloire. En regardant une à une les photos des commandants précédents, il a fait remarquer que nombreux commandants de la grande unité étaient les anciens combattants révolutionnaires anti-japonais et que ce seul fait montre bien l'importance accordée par le président et le général à la grande unité. Dans la salle de commandement d'opération, il a écouté le rapport sur le plan d'opération défensive auprès du chef de la grande unité et dans divers endroits, y compris la salle d'études des affaires militaires, le stand de tir et le standard, il s'est renseigné sur les détails des exercices et des préparatifs de combat. Il a estimé très importante la mission de la grande unité et précisé les tâches qui serviront de guide pour les préparatifs de combat et le renforcement de la combativité. Il a visité la cantine, la piscine, la salle de bain publique et autres endroits pour prêter son intérêt profond à la vie des militaires. Ce jour-là, il a assisté au spectacle donné par la troupe de propagande artistique de la grande unité dans la maison des militaires. Il s'est exprimé satisfait du spectacle qui reflète comme il faut la politique du parti et a donné ses instructions pour les futurs spectacles. Le dirigeant suprême a exprimé la certitude que tous les officiers et soldats de la grande unité seront fin prêts au combat pour la défense de la patrie socialiste avec les armes.